Monseigneur, j'écrivais. Le duc. À qui donc, par hasard? À quelque amant, petite? Lisette. À vous-même. Tenez. Elle lui donne la lettre et veut sortir. Le duc. Et tu t'en vas si vite? Non, parbleu, reste là. Que veut dire ceci? Que vois-je, mon anneau, que tu me rends ainsi? Il lit. Monseigneur, vous me dites que vous m'aimez? Oui, certes, je le dis. Le fait est véritable. Penses-tu que je trompe? Et m'en crois-tu capable? Il lit. Vous me dites que vous m'aimez, mais cela est bien difficile à croire, car pour aimer une personne, il faut, j'imagine, commencer par la connaître, et toute servante que je suis. Servante? Que dis-tu? Fille donc, tu ne l'es point. Servante, ce mot-là me choque au dernier point. Il lit. Toute servante que je suis, vous me connaissez assurément bien peu si vous me croyez intéressée, et si vous avez pensé, monseigneur, qu'on pouvait payer un amour qui refuse de se donner. Qu'est-ce à dire? Payer? Moi, te payer, ma belle? Quoi? Pour un simple anneau? Pour une bagatelle? Pour un hochet d'enfant qui plaît à voir briller? Tu me crois assez sot pour vouloir te payer? Si tel était mon but, si j'osais l'entreprendre, si l'amour de Lisette était jamais à vendre, pour payer dignement de semblables appâts, mes biens y passeraient et n'y suffiraient pas. Est-ce donc une offense à la personne aimée, et s'en doit-elle au fond croire moins estimée, si l'on veut la parer sans pouvoir l'embellir d'un pauvre diamant que ses yeux font pâlir? Comment mettre une bague au plus beau doigt du monde? Il lui remet la bague au doigt. Poser quelques bijoux sur cette épaule ronde, sur ce cœur qui palpite, un céladon changeant. Serrer ce petit pied dans un réseau d'argent. Entourer la beauté dans sa fleur et sa grâce, des prestiges de l'art qu'elle égale et surpasse. Ce serait donc, ma chère, un grand crime à tes yeux. Payer! Efface donc! Ce mot est odieux! Oublions ce billet, n'y songeons plus, Lisette. On paie un intendant, un rustre, une grisette. Mais, dans ce monde-ci, je ne sais pas encore qu'on se soit avisé de payer un trésor. Et ton cœur est sans prix, quand tu serais moins belle. Lisette. Mais, monseigneur, pourtant... Le duc. Fille, tu fais la cruelle. On ouvre la porte du fond. Deux mots, on va souper. Les gens ouvrent déjà. Écoute, nous allons au bal de l'opéra, mais je reviendrai seul, et grâce à la cohue, à peine entrée, je sors et regagne la rue. Tu seras seul aussi, mais la quai ne voit rien. Accorde-moi, de grâce, un moment d'entretien, un seul instant, pour moi, Lisette, et pour toi-même. Ce n'est pas un amant, c'est un ami qui t'aime. Songe-y. Lisette. Mais vraiment? Le duc. Je comprends ton souci. Je voudrais de grand cœur te voir ailleurs qu'ici, et, dans quelque retraite au bavard, inconnu, tu me rendrais bien mieux ma liberté perdue. Ce n'est assurément mon goût ni ma façon de donner au plaisir cet air de trahison. Mais, dans ce triste hôtel, toujours emprisonné, tu n'en saurais sortir sans être soupçonné. Chez moi, seul, en secret, nous trompons tous les yeux. À quatre pas d'ici, nous serions odieux. Telle est la loi du monde. Il en faut être esclave. Facile à qui s'en rit, sévère à qui le brave. Débonnaire et terrible, il ne compte pour rien qu'on se moque de lui, si l'on s'en moque bien. Tout s'excuse ici-bas, hormis la maladresse. Bonsoir, Louison. Scène 3. Lisette, seule. Bonsoir. Quelle étrange faiblesse. Il me trompe, il me raille, il ment comme un païen. Comment arrive-t-il que je ne dise rien? Nous serons seuls, dit-il, que c'est d'une belle âme d'aller chez le voisin pour y laisser sa femme et revenir gaiement sur la pointe du pied, sitôt que dans la foule il se croit oublié. Ah, quand j'étais Louison, avant d'être Lisette, au lieu d'un pouf en l'air, quand j'avais ma cornette, si j'avais rencontré ces diseurs de grands mots, je leur aurais sonné et jeté mes deux sabots. Mais avec tout cela, je n'ai su que répondre. Que faire s'il revient? Le laisser se morfondre? M'enfermer dans ma chambre et sous de bons verrous? Ouais, il faut y songer. Monseigneur n'est pas doux. Avec ses airs badins et sa cajolerie, je ne sais trop comment il prend la raillerie. Ne faut-il pas plutôt l'attendre bravement, lui donner mes raisons, l'écouter un moment? N'est-il donc pas possible? Ah, Louison, malheureuse, est-ce qu'un grand seigneur va te rendre amoureuse? Est-ce que... Qui vient là? Scène 4. Lisette, Berthaud. Berthaud. C'est moi. Lisette. Qui, toi? Berthaud. Berthaud. Lisette. Berthaud, que nous veux-tu? Berthaud. Moi, rien. Lisette. Tu n'es qu'un sot, on n'entre pas ainsi que l'on ne vous appelle. Berthaud. Oh, mademoiselle Louison, comme vous êtes belle, comme vous voilà propre et de bonne façon. Lisette. Que dis-tu donc, l'ami? Je connais ce garçon. Berthaud. Quel beau tire-bouchon vous avez aux oreilles! Quelle robe, on dirait, d'une ruche d'abeilles! Lisette. Tu te nommes, dis-tu? Berthaud. Berthaud? Quel gros chignon! Et ces souliers tout blancs, ça doit vous coûter bon! Pas moins, vous devez bien être un brin empêtré. Lisette. M'as-tu de pied en cap assez considéré? Eh! Mais c'est toi, Lucas! Berthaud. Vous me reconnaissez? Lisette. Oui, certes. Et d'où viens-tu? Berthaud. Par ma foi, je ne sais. Lisette. Bon. Berthaud. Pour venir ici, j'ai pris par tant de rues, j'en ai l'esprit tout bête et les jambes fourbues. Lisette. Assieds-toi. Berthaud. Que non pas, je suis bien trop courtois, quand j'ai mon habit neuf, jamais je ne m'assois. Lisette. Fort bien, cela pourrait gâter ta broderie. Tu n'es donc plus berger dans notre métairie? Mais tu viens du pays? Comment va-t-on chez nous? Berthaud. Je n'en sais rien non plus. Moi, je fais comme vous. Oh, je ne garde plus les vaches. Au contraire, c'est Jean qui les conduit, et Suzon les va traire. Oh, ce n'est plus du tout comme de votre temps. C'est la grande Nanon qui fait de l'herbe au champ. Pierrot est sacristain, et Thomas fait la guerre. Catherine est nourrice, et Nicole... Lisette. Et mon père? Berthaud. Votre père, pardine, il ne lui manque rien. On est sûr, celui-là, qu'il mange et qu'il dort bien. Ceux qui vivent chez lui n'ont pas la clavelée. Lisette. Mais toi, par quel hasard as-tu pris ta volée? Berthaud. Voyez-vous, quand j'ai vu que vous étiez ici, et que votre départ vous avait réussi, je me suis dit, Paris, ça n'est pas dans la lune. J'avais comme un instinct de faire ma fortune. Et puis je m'ennuyais avec mes animaux. Et puis je vous aimais, pour tout dire, en trois mots. Lisette. Toi, Lucas? Berthaud. Moi, Lucas? En êtes-vous fâché? Un chien regarde bien. Lisette. Non, non, j'en suis touchée. Tu te nommes Berthaud. D'où te vient ce nom-là? Berthaud. C'est mon nom de famille. À Paris, il faut ça. Quand on va dans le monde. Lisette. Et tu vis bien, j'espère? Berthaud. 26 livres par mois et presque rien à faire. Quand on a de l'esprit, l'emploi ne manque pas. Lisette. Sans doute. Et ton chemin s'est donc fait à grands pas? Berthaud. Je crois bien, je suis claire. Lisette. Ah, ah, chez un notaire? Berthaud. Non. Lisette. Chez un procureur? Berthaud. Chez un apothicaire. Lisette. Peste, voilà de quoi mettre en jeu tes talents. Eh bien, monsieur Berthaud, que voulez-vous, séant? Berthaud. Ah, dame, en arrivant, j'avais bien une idée. J'ai l'imaginative un tant soit peu bridée. Je ne m'attendais pas à tous vos affiquets. Jarny, vos jupons courts étaient bien plus coquets. Vous étiez bien plus leste et bien plus féminine. On ne vous voit plus rien qu'un peu dans la poitrine. Pourtant, malgré vos nœuds et vos mignons souliers, je vous épouserais encore, si vous vouliez. Lisette. Toi? Berthaud. Mon père est fermier, pas si gros que le vôtre. Mais enfin, dans ce monde, on vit l'un portant l'autre. Lisette. Tu crois donc que ma main serait digne de toi? Berthaud. Dame, si vous vouliez, il ne tiendrait qu'à moi. Écoutez, puisqu'enfin la parole est lâchée, et puisqu'à votre avis, vous n'êtes point fâché, vous êtes bien gentil, on le sait, on voit clair. Mais moi, je ne suis pas si laid que j'en ai l'air. Si la grosse Margot n'était point en fautive, j'en aurais vu le tour, oui, sans crier qui vive. Et dans la rue aux ours où je loge à présent, on ne remarque pas que je sois déplaisant. Je sais signer moi-même et je lis dans des livres. Je viens de vous conter que j'avais 26 livres. Mais il est des secrets qu'on peut vous confier. Mon maître, au jour de l'an, va me gratifier. C'est déjà quelque chose. À présent, autre idée. Ma tante, la Balue, est presque décédée. Elle a dans ses tiroirs, qu'il soit dit entre nous, pour plus de 100 écus en joyaux et bijoux. On ne sait pas les grains qu'elle amassait chez elle, ni les hardes qu'elle a, sans compter sa vaisselle. Elle a mis 3/4 d'heure à faire un testament, et j'hérite de tout, universellement. Ça commence à sourire, encore une autre histoire. Thomas donc est soldat, embarqué pour la gloire. Moi, j'aurais à sa place épousé Jeanneton, mais il ne lui faudrait qu'un coup de mousqueton. C'est mon cousin Germain, que le ciel le protège. Ce métier-là, toujours, n'est pas blanc comme neige. Vous voyez que je suis un assez bon parti. Nous pourrions faire un couple un peu bien assorti. Contre la pharmacie, avez-vous à reprendre? On n'est point obligé d'y goûter pour en vendre. Mon pourparler vous semble un peu risible et sot. Vous avez l'esprit riche et vous visez de haut. Mais, voyez-vous, le tout est d'être ou de paraître. Vous portez du clinquant, mais c'est à votre maître. Que l'on vous remercie, il ne vous reste rien. Moi, je n'ai qu'un habit, d'accord, mais c'est le mien. J'ai lu dans les écrits de Monsieur de Voltaire que les mortels, entre eux, sont égaux sur la terre. Sur ce proverbe-là, j'ai beaucoup médité, et j'ai vu de mes yeux que c'est la vérité. Il ne faut mépriser personne dans la vie, car tout le monde peut mettre à la loterie. Ce grand homme l'a dit, c'est son opinion, et c'est pourquoi, Jarny, j'ai de l'ambition. Lisette, je t'écoute, Lucas, ta rhétorique est forte, changeras-tu d'avis? Berthaud, non, le diable m'emporte. Lisette, eh bien, reste à l'hôtel. Et ne t'éloigne pas. Observe mon seigneur et suis bien tous ses pas. Berthaud, oui. Lisette, si tu le vois seul, mets-toi sur son passage. Berthaud, bien. Lisette, dis-lui tes projets pour notre mariage. Berthaud, bon. Lisette, dis-lui que c'est moi qui le prie instamment d'y prêter sa faveur et son consentement. Berthaud, mais vous consentez donc? Lisette, sans doute, le temps presse. « Va-t'en. Berthaud, vous consentez ?» Lisette, « On vient, c'est la duchesse. Dépêche, hors d'ici. » Berthaud, « Vous consentez, Louison ?» Lisette, « Va, ne bavarde pas, surtout dans la maison. » Scène 5. La maréchale, le duc, la duchesse, Lisette, dans le fond. Le duc, « Vous ne venez donc pas à l'opéra, ma chère ?» La duchesse, « Non, monsieur, pas ce soir. » Le duc, « Pourquoi pas ?» La duchesse, « Pourquoi faire ?» Le duc, « C'est une fête où va tout ce qui touche au roi ?» La duchesse, « Une fête pour qui ?» Le duc, « Pour nous ?» La duchesse, « Non, pas pour moi. » La maréchale, « Vos querelles, mon fils, me font mourir de rire. » À Lisette, qui veut sortir, « Lisette, demeurez, j'ai deux mots à vous dire. » Le duc, « Riez si vous voulez, madame, à vous permis. » Vous ne me ferez pas du tout changer d'avis. Non, je ne conçois pas sur quoi que l'on se fonde cette obstination à s'exiler du monde, cette rage de vivre au fond d'un vieil hôtel, de bouder le plaisir comme un péché mortel, et de rester à coudre une tapisserie quand tout Paris se masque et quand je vous en prie. La duchesse. Je ne veux rien qui soit contre votre désir. Monsieur, je suis souffrante et je ne puis sortir. Le duc. Bon, souffrante. C'est là votre excuse ordinaire. La maréchale. Mais s'il est vrai, mon fils. Le duc. Il n'en est rien, ma mère. Souffrante, voilà bien le grand mot féminin. Mais l'étiez-vous hier, le serez-vous demain? Non, vous l'êtes ce soir. Et qu'avez-vous de grâce? Un mal qui vous arrive aussi vite qu'il passe. Des vapeurs, sûrement. La belle invention. La duchesse. L'exigez-vous, monsieur? J'obéis. Le duc. Mon Dieu, non. Exiger, obéir, le bon Dieu vous bénisse, dirait-on pas vraiment qu'on vous traîne au supplice? La maréchale au duc, ne la chagrinez pas, pour l'égayer un peu, nous ferons un piquet ce soir au coin du feu. La duchesse, permettez-vous, monsieur? Le duc, certainement. À part, j'enrage, voilà mes projets morts, quel ennui, quel dommage, Lisette, j'en suis sûr, en a le cœur navré. Mais, avant de sortir, je la retrouverai. Le diable est donc logé dans la tête des femmes. Oh, allons, j'irai donc seule, à votre jeu, mesdames. Hola, jasmin, la fleur, des cartes, des flambeaux, vite, je vous souhaite un millier de capots, de piques et de repiques, et de quintes majeures. Combien un si beau jeu doit abréger les heures? la maréchale. Un bon piquet, mon fils, n'est point à dédaigner. Le roi l'aime. Le duc. Le roi ferait mieux de régner. La duchesse. On joue aussi, monsieur, quelquefois, chez la reine. Le duc. Jouez donc, mais morbleu, ce n'est guère la peine d'avoir un nom, du bien, de l'esprit, et 20 ans, et ce visage-là, pour perdre ainsi son temps. Vraiment, la patience en devient malaisée. Pourquoi donc, s'il vous plaît, vous avoir épousé? Pourquoi donc êtes-vous jeune et faite à ravir? À quoi bon tout cela, pour ne pas s'en servir? Que faites-vous d'avoir 100 000 écus de rente, et comme Trissotin, un carrosse amarante, et 4 grands chevaux qui se meurent d'ennui, pour vivre hier, demain, toujours, comme aujourd'hui? À quoi bon, dites-moi, cette taille élégante, cet air et ce regard, car vous seriez charmante? Je suis votre mari, mais quand c'est arrivé, j'avais sur votre compte étrangement rêvé. Oui, ne vous en déplaise, et je vous le confesse, le feu roi, dans sa cour, montrait bien à sa maîtresse, et de ses courtisans, un murmure flatteur, parfois, n'en doutez pas, lui fit plaisir au cœur. Moi, duc, et votre époux, n'ai-je donc pu me croire, en vous montrant aussi, le droit d'en tirer gloire? Quand de m'appartenir, vous m'avez fait l'honneur, ne puis-je donc avoir l'orgueil de mon bonheur? Vous étiez belle et noble, et je vous tiens pour telle. À quoi sert d'être noble? À quoi sert d'être belle? Si vous ne savez pas marcher avec fierté et dans cette noblesse et dans cette beauté, si vous ne savez pas monter dans votre chaise, dans un panier doré, vous étendre à votre aise, et lorsque devant vous l'huissier crie un grand nom, le bonnet sur l'oreille, entrez à Trianon, ma foi, je vous croyais d'un autre caractère, je croyais sans déchoir qu'on pouvait daigner plaire. Je vous jugeais moins sage et ne m'attendais pas qu'en me donnant la main, vous compteriez vos pas. Je m'en vais me vêtir. Adieu. À sa mère. Bonsoir, madame. Scène 6. La maréchale, la duchesse, Lisette. La maréchale. Lucile, vous souffrez? La duchesse. Jusqu'au fond de l'âme. La maréchale. Qu'avez-vous? Dites-moi. La duchesse. Je suis triste à mourir. La maréchale. On vous tourmente un peu. La duchesse. Je devrais obéir. Je devrais pardonner, je ne sais pas moi-même. La maréchale. Lisette, laissez-nous. Lisette, en sortant. Mon Dieu, comme elle l'aime. Scène 7. La maréchale, la duchesse. La maréchale. Quoi? Vous prenez au grave un propos si léger? Faites-vous un chagrin d'un ennui passager? La duchesse. Madame, il a raison. J'ai tort, je suis coupable. Je devrais obéir. Et j'en suis incapable. Tout ce qu'il dit est vrai. La faute en est à moi. Je le blesse, le fâche, et je ne sais pourquoi. La maréchale. Vous sentez, dites-vous, qu'il faut qu'on obéisse, et vous ne savez pas d'où vous vient un caprice. La duchesse. Non, lorsque mon cœur parle, il résonne bien mal. Je ne sais quel effroi, quel sentiment fatal, né de ce triste cœur ou de ma pauvre tête, près de lui par moments me saisit et m'arrête. Je voudrais lui complaire et sortir avec lui, songer à ma parure, oublier mon ennui, puisqu'il le veut enfin essayer d'être belle, et tout cela me cause une frayeur mortelle. Je sens trembler ma main quand je lui prends le bras. Quelqu'un est entre nous que je ne connais pas. La maréchale. Ma belle, y songez-vous? Quelle est votre pensée? Parlez-vous à votre âge, en femme délaissée? Avez-vous un reproche à faire à votre époux? Qu'est-ce donc? La duchesse. Je ne sais. La maréchale. Quelqu'un est entre vous? Une femme, à coup sûr? Vous est-elle connue? Parlez. La duchesse. Je n'en sais rien, mais j'en suis convaincue. La maréchale. Ainsi, pour 4 mots, vous vous désespérez, et ce qui vous chagrine, au fond, vous l'ignorez. Dirait-on pas vraiment à voir votre tristesse qu'un grand secret bien noir vous trouble et vous oppresse? Et c'est un bal manqué qui produit tout cela. J'en avais à 20 ans de ces gros chagrins-là. Ne vous en plaignez pas, vos pleurs me font envie. Quand vous saurez un jour ce que c'est que la vie, ces pleurs, si doucement et si tôt répandus, vous les regretterez et n'en verserez plus. La duchesse. Oui, si cela vous plaît, vous en pouvez sourire. Mais en sont-ils moins vrais, madame? Et peut-on dire, quand la souffrance est là, qu'on souffre sans raison? La maréchale. Tout aveu d'une peine aide à sa guérison. Laissez-vous être vrai et sachons ce mystère. La duchesse. Je n'ai point de secret. Que puis-je dire ou taire? La maréchale. Bah, quand ce ne serait qu'un caprice d'enfant, est-ce que près de moi votre cœur se défend? Qui vous fait hésiter et manquer de courage? Est-ce la défiance? Est-ce mon rang, mon âge? Est-ce mon amitié dont vous vous éloignez? Est-ce la maréchale ou moi que vous craignez? De grâce, allons. La duchesse. Je sais combien vous êtes bonne, mais je ne puis parler. La maréchale. Alors je vous l'ordonne. Votre mère, Lucille, à son dernier soupir, vous a légué à moi. Vous devez obéir. La duchesse. J'obéirai toujours et de toute mon âme. Mais, encore une fois, je ne sais rien, madame, si ce n'est ma souffrance et mon amour pour lui. La maréchale. S'il est vrai, mon enfant. Alisette qui entre. Qui vous amène ici? Scène 8. Lisette, la maréchale, la duchesse. Lisette à la duchesse. Votre marchand est là, madame. On m'a chargé. La duchesse. Pas ce soir. Qu'on revienne. La maréchale. Allons, chère affligée. Qu'est-ce qui vous arrive? Une robe de bal? Eh bien, essayez-la. Ce n'est pas un grand mal. Tantôt, s'il m'en souvient, vous l'aviez demandé. Rien qu'en changeant de robe, on peut changer d'idée. Comme vous pâlissez. Qu'avez-vous, mon enfant? La duchesse. Oui, cette femme-là. Sa vue. En ce moment. La maréchale. Mais cette femme-là, ma belle, c'est Lisette. Entrons chez vous. Venez faire un peu de toilette. Plaisons d'abord, petite, et le reste est à nous. Allons, courage, allons. La duchesse. Je m'abandonne à vous. Devant votre bonté, ma volonté s'incline. Vous m'avez rappelé que j'étais orpheline. Je vous dirai mes maux, mes craintes, mon tourment, tout. Et vous comprendrez, madame, assurément, qu'un pauvre cœur blessé, cherchant qui le soutienne, ait besoin d'une mère ayant perdu la sienne.